Selon le journal internet Minjok Tongsin des Coréens aux États-Unis, les ressortissants coréens ont livré le 29 juin une manifestation contre la disposition de SAD devant le consulat général de Corée du Sud à Los Angeles, États-Unis.